Nuit nuptiale par Michel Cordet. Fontainebleau. Ma chérie, voici la fameuse lettre que nous nous sommes jurés de nous écrire le lendemain de notre mariage. Je profite du sommeil de mon mari, pauvre Claude, il doit être si fatigué de sa nuit. Moi encore, j'ai dormi un peu, lui n'a pas fermé l'œil. Je passe vite, n'est-ce pas, sur les péripéties du voyage. Depuis le Continental, où nous avons laissé luncher joyeusement jusqu'à la gare de Lyon, rien d'extraordinaire. Claude a passé son temps à presser le cocher. Il sortait tout son corps par la portière. Quand il se rentrait, il me prenait les mains et me disait « Cet animal-là va nous faire rater le train !» Je crois qu'il voilait ainsi son trouble. De Paris à Fontainebleau, nous étions seuls dans notre compartiment. Mais je me sentais gêné comme si une troisième personne se trouvait là. Je crois que je n'avais pas bu assez de champagne au lunch. Et puis, il y a dans ces voitures de petits carreaux triangulaires bien intimidants. Ainsi, j'ai voulu regarder à travers l'un d'eux, et j'ai vu, devine quoi, un gros œil collé de l'autre côté. Est-il déjà indiscret, hein? Mon beau capitaine ne s'est vraiment déridé qu'à Fontainebleau. Nous n'étions pas sortis de la gare qu'il s'exclamait. Mais rien n'est changé. Il me semble que c'est hier que j'étais sous le lieutenant à l'école. Et pourtant, cela fait 10 ans écoulés. Tiens, voilà le buffet où nous allions nous mettre en fumiste pour partir en bombe à Paris pendant la semaine. Et là, l'institution de demoiselles. Et ainsi, tout le long de la route. Quand nous sommes arrivés dans la ville même, son enthousiasme n'a plus connu de bornes. Ah, le perchose, le coiffeur, toujours onctueux comme un bâton de cosmétique. Et la libraire, toujours la mère machin. Et la belle madame une telle opticienne qui fut si jolie sous l'Empire, on ne sait lequel des deux. J'ai vu le moment où il allait descendre en pleine marche de la voiture. Enfin, nous avons dîné à l'Aigle Noir. Cette fois, j'ai copieusement donné la collade à certains petits vins blancs de Moret pour réparer ma continence du Continental. Mon mari m'a proposé ensuite un petit tour en forêt. Il faisait un clair de lune superbe. Tu penses si j'acceptais? J'étais un peu étourdi et je m'appuyais au bras de mon capitaine. Si tu savais comme c'était beau et bon, ma chérie. Il me semblait que je n'avais jamais vu auparavant d'arbres la nuit, ni de clair de lune. J'aurais voulu que Claude me parlât de choses très douces, qu'il parlât de lui et de moi, de nous, ou des étoiles, des fleurs, des choses qu'on met dans les verres et qui font pleurer, ou encore qu'il ne parlât pas du tout. Mais chaque route, chaque carrefour lui rappelait une promenade à cheval ou en voiture. Ici, il avait failli verser en conduisant en quatre. Là, Polka avait fait panache. Les noms des petites localités voisines qu'il retrouvait sur les poteaux indicateurs, Marlotte, Barbizon, Franchard, le plongeaient dans des abîmes de souvenirs. Il ajoutait toujours « Je vous raconterai ça plus tard ». C'est curieux comme ses premières années de vie militaire ont laissé une trace profonde dans la mémoire de ces messieurs. Lui, qui enfilait si gaillardement routes et chemins comme en plein jour, le voilà qui hésite, qui cherche une indication. Et la lune s'étant cachée, il grimpe au poteau, frotte une allumette contre la planchette, et j'entends « Diable, diable !» L'allumette s'éteint, mon mari descend. « Ma foi, ma chère petite femme, je crois que nous nous sommes un peu écartés de notre chemin, et nous sommes infiniment plus près de Montigny que de Fontainebleau. Hôtel pour hôtel, je pense que vous n'avez pas de préférence et que le plus proche sera le meilleur. J'accepte. Et nous voilà repartis. Claude ne parle plus. Nous allons un joli pas relevé, et c'est délicieux, cette marche dans la nuit noire, dans l'odeur résineuse des sapins. Parfois, une branche casse, un oiseau hurle, et j'éprouve cette impression délicieuse de sentir de petits frissons de peur, sans avoir peur. Voici les premières maisons de Montigny. On devine le loin au bruit qu'il fait sur les pierres. Claude cherche une fenêtre encore allumée pour se faire indiquer l'auberge. Nous heurtons au premier volet éclairé, la lumière s'éteint au premier coup. Au second, une voix répond « L'auberge, à droite en montant. Mais allez-vous-en, allez-vous-en » C'est l'homme qui parle et on entend, au fond de la chambre, la voix de la femme. « Dis-leur de passer leur chemin. On nous prend pour des vagabonds. » Et Claude a beau frapper aux portes, crier, rien. Il pèse sur les villages endormis comme un air de plomb. La voix ne porte pas, reste sans écho. Il n'y a que des chiens qui répondent. Il nous est impossible de rien trouver. Claude avait l'air bien ennuyé. Alors je l'ai consolé de mon mieux, en lui disant que c'était bien plus drôle ainsi, quand nous allions jouer au Robinson. Mais en même temps, je sentais tomber sur moi, me pénétrer, la fraîcheur de la nuit. Et puis je n'en pouvais plus. Mon pauvre mari s'en est bien aperçu, il s'en tracassait, et tout d'un coup, « Oh, mais quelle idée, il y a la gare !» Et en effet, ma chérie, nous avons passé la nuit dans la gare. C'était si drôle. Comme la palissade n'était pas ouverte, Claude l'a escaladée et puis m'a enlevée dans ses bras. Je me suis aperçu à ce moment-là qu'il tremblait de froid, lui aussi. Une fois là, nous avons cherché tous les deux une bonne place pour dormir. La salle d'attente des premières classes, chauffée toute la journée, était encore toute tiède. C'était si bon, après le froid humide de dehors, que je n'ai pas voulu chercher ailleurs. Claude a encore allumé une allumette. Il m'a installé dans le canapé de velours vert, tu sais. Il m'a couverte de son par-dessus, le bon chéri, et puis mes yeux se sont fermés. Alors il m'a embrassé sur le front, et j'ai fait semblant de dormir pour qu'il continue. Mais je n'ai pas résisté bien longtemps, et je n'ai fait qu'un somme, jusqu'à 5 heures. À ce moment-là, Claude m'a réveillé. Il s'est promené toute la nuit sur le quai, en fumant des cigares, et en venant me voir dormir comme un petit ange, m'a-t-il dit. « Est-ce gentil, hein ?» Il nous a fallu partir avant le passage du premier train. Dieu que c'était joli, cette gare, au petit jour. Il y avait un grelot électrique qui tintait sans s'arrêter, un petit grelot frêle, qui avait l'air d'être transi dans ce fin matin, et qui chantait tout de même, bravement. Je ne pourrais plus en entendre un, dans une gare, sans repenser à ma nuit de Montigny. J'étais tout reposé. Nous avons refait nos 2 lieues à pied. C'était si frais, cette rosée aux aiguilles des pins et cet air bleu, cet air rose de l'aurore qu'on croit boire comme une liqueur quand on l'aspire. J'avais envie de chanter, de sauter au cou de ce pauvre petit mari qui avait veillé sa petite femme. Je me sentais gai comme le soleil, comme les oiseaux qui lui disent bonjour en s'éveillant. Le croiras-tu? C'était pourtant bien drôlichon, bien amusant notre escapade, n'est-ce pas? Eh bien, figure-toi qu'en revenant, Claude n'avait pas l'air content, mais pas content du tout. Ta vieille amie, Louison. Pour indiscrétion conforme, Michel Cordet.